Chapitre 4 Suite des philosophes chrétiens publicistes. Nous avons fait dans ces derniers temps un grand bruit de notre science en politique. On dirait qu'avant nous, le monde moderne n'avait jamais entendu parler de liberté, ni des différentes formes sociales. C'est apparemment pour cela que nous les avons essayées les unes après les autres avec tant d'habileté et de bonheur. Cependant, Machiavel, Thomas Morus, Mariana, Bodin, Grotius, Pufendorf et Locke, philosophes chrétiens, s'étaient occupés de la nature des gouvernements bien avant Mably et Rousseau. Nous ne ferons point l'analyse des ouvrages de ces publicistes, dont il nous suffit de rappeler les noms pour prouver que tous les genres de gloire littéraire appartiennent au christianisme. Nous montrerons ailleurs ce que la liberté du genre humain doit à cette même religion qu'on accuse de prêcher l'esclavage. Il serait bien à désirer, si l'on s'occupe encore des cris de politique, ce qu'à Dieu ne plaise, qu'on retrouvât pour ces sortes d'ouvrages les grâces que leur prêtaient les anciens. La Cyropédie de Xénophon, la République et les Lois de Platon sont à la fois de graves traités et des livres pleins de charme. Platon excelle à donner un tour merveilleux aux discussions les plus stériles. Il sait mettre de l'agrément jusque dans l'énoncé d'une loi. Ici, ce sont trois vieillards qui discourent en allant de Cnos à l'antre de Jupiter et qui se reposent sous des cyprès et dans de riantes prairies. Là, c'est le meurtrier involontaire qui, un pied dans la mer, fait des libations à Neptune. Plus loin, un poète étranger est reçu avec des chants et des parfums. On l'appelle un homme divin, on le couronne de lauriers et on le conduit, chargé d'honneur, hors du territoire de la République. Ainsi, Platon a 100 manières ingénieuses de proposer ses idées. Il adoucit jusqu'aux sentences les plus sévères, en considérant les délits sous un jour religieux. Remarquons que les publicistes modernes ont vanté le gouvernement républicain, tandis que les écrivains politiques de la Grèce ont généralement donné la préférence à la monarchie. Pourquoi cela? Parce que les uns et les autres haïssaient ce qu'ils avaient et aimaient ce qu'ils n'avaient pas. C'est l'histoire de tous les hommes. Au reste, les sages de la Grèce envisageaient la société sous les rapports moraux. Nos derniers philosophes l'ont considérée sous les rapports politiques. Les premiers voulaient que le gouvernement découlât des mœurs, les seconds que les mœurs dérivassent du gouvernement. La philosophie des uns s'appuyait sur la religion, la philosophie des autres sur l'athéisme. Platon et Socrate criaient au peuple « Soyez vertueux, vous serez libres ». Nous leur avons dit « Soyez libres, vous serez vertueux ». La Grèce, avec de tels sentiments, fut heureuse. Qu'obtiendrons-nous avec les principes opposés?